Pris sur le vif. Écoutez. Bonjour, madame. En passant, j'ai vu ce fauteuil Louis XIII. Combien coûte-t-il ? 4 500 francs. C'est une pièce unique. Il est entièrement d'époque. C'est rare maintenant de trouver des sièges anciens dans cet état. Vous n'avez pas la paire ? Hélas, non. Sinon, il vaudrait plus cher. Je vais voir. Je repasserai demain avec mon mari. Merci, madame. Au revoir. Répétez. Bonjour, madame. En passant, j'ai vu ce fauteuil Louis XIII. Combien coûte-t-il ? $4 500. C'est une pièce unique. Il est entièrement d'époque. C'est rare maintenant de trouver des sièges anciens dans cet état. Vous n'avez pas la paire ? Hélas, non. Sinon, il vaudrait plus cher. Je vais voir. Je repasserai demain avec mon mari. Merci, madame. Au revoir. Écoutez. Parot, j'ai à vous parler. Vous pouvez venir ? Bien sûr. Nous avons décidé d'ouvrir un nouveau magasin à Troyes et de vous confier le service comptable. Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie d'avoir pensé à moi. En y réfléchissant bien, c'est peut-être une proposition intéressante, mais laissez-moi y penser. Je vous donnerai ma réponse dans une semaine. Il faut que j'en parle à ma femme. Naturellement. Je comprends bien que vous ne pouvez pas vous décider comme ça. Répétez. Parot, j'ai à vous parler. Vous pouvez venir ? Bien sûr. Nous avons décidé d'ouvrir un nouveau magasin à Troyes et de vous confier le service comptable. Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie d'avoir pensé à moi. En y réfléchissant bien, c'est peut-être une proposition intéressante, mais laissez-moi y penser. Je vous donnerai ma réponse dans une semaine. Il faut que j'en parle à ma femme. Naturellement. Je comprends bien que vous ne pouvez pas vous décider comme ça. Écoutez. Alors, ça y est ? On va au tennis ou à la piscine ? Tu t'es décidé ? Non. C'est la barbe. Avec toi, jamais moyen de savoir. Il te faut toujours 3 jours pour te décider. Oh, ça va. Ce n'est pas en le prenant sur ce ton. Répétez. Alors, ça y est ? On va au tennis ou à la piscine ? Tu t'es décidé ? Non. C'est la barbe. Avec toi, jamais moyen de savoir. Il te faut toujours 3 jours pour te décider. Oh, ça va. Ce n'est pas en le prenant sur ce ton.